apprenant que son fils va épouser Rosette, son père, est furieux. Et Camille ironise sur l'issue de ce mariage. Mais Rosette arrive. « Te voilà, mon enfant. Viens, je veux te présenter à mon père. » Rosette se mettant à genoux. « Monseigneur, je vais vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimez votre cousine et que vous n'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus tuer de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce collier. C'est moi qui te le donne et mon cousin prendra le mien à la place. Quant à un mari, n'en sois pas embarrassé. Je me charge de t'en trouver un. Cela n'est pas difficile, en effet. Allons, Rosette, viens que je te mène à mon père. »